Merci. Bonjour, bonsoir. Bonne nuit. Bandeko. Mes chers frères et sœurs et amis. Bonjour, bonsoir. Bonjour, mon ami Olivier Bolia. Merci, merci de votre présence. Merci beaucoup. Voilà, bonjour, bonsoir. Et comme vous le voyez, notre titre, nous avons écrit la suite de notre vidéo d'hier, notre live d'hier. Qui a été interrompu par un sentiment de colère. Et Tinda qui biso tokata live sans que la cabine qui est tolingi tokata comme d'habitude. Et yango tobi to ya ko compléter pour quelques secondes. Et live n'a plus aussi s'acquitter. Avant tout, d'abord, on s'excuse pour notre lobby. Je pense que Congolais Nyonso, Oyo réellement Azali Congolais, patriote Nyonso, Oyebi Azali patriote. Sentiment wana ekozala toujours. Sentiment wana ekoyelaye toujours. Excusez-moi que j'arrange la caméra ici. Voilà, donc sentiment wana ekoyelaye toujours parce que ndenge nazalaki kokende ko expliquer lobby que notre pays constitue un corps. Ils allaient constituer corps. C'est-à-dire que une partie yambo cannabiso ce qui est alité et zali ce sont bocanabisoté motumoko yambo cannabiso ce qui bakati vie sans volonté yanzambe ou bien d'une façon méchante ça fait toujours mal na congolais nyonso. Alors ezalaki sentiment de faiblesse. Et c'est là qu'il y a un sentiment de colère. Et c'est là qu'il y a un sentiment de colère comme on a que n'a qu'à comprendre que même si bah décret où ils allaient qu'autoriser création il y a commune il y a bah commune et c'est là qu'il signé à l'époque où Félix Azalaki na soi-disant opposition. Nalingaki na comprendre que ba décret wana so ki ezalaka réalisé na époque oyo tozolo ba soi-disant Kabila azalaki na pouvoir te. Parce que nous disons Kabila est toujours na pouvoir. Mais ba oyo bazali koloba ki Kabila za sou na pouvoir te, on pouvait bien vous comprendre que cette cérémonie qu'on a vue la fois passée ezala na période Oyo Kabila zala ki na signature. Émotion nanga de colère ya lobby ezala ki poussé sur base ya bandeko Oyo bazali koloba ke mwana mboka azali na tête ya présidence. To supporter moi na mboka o azali na mutu ya présidence to chaye maboko. Mais la question ezali que signifie moi na mboka? Moi na mboka c'est quoi au juste? Ce qui batou nyo question esika o vandi papa mama jeune batou nyo ozali mutu ya mboka ni. Vous allez répondre, bien sûr, aux alliés congolais, ou aux Alizés congolaises. Alors, la question que je pose, qu'est-ce que signifie être congolais? Et pas inabino, être congolais, c'est quoi? Parce que quand vous dites que moi, Namboka Azali n'a pouvoir, Tochaye Maboko, ça signifie moi, Namboka Wana Azali congolais. Alors, donnez-moi la définition. Il y a congolité, il y a Félix Tshilombo. Vous pouvez avoir la définition, il y a congolité de la personne Félix Tshilombo, Azali congolais, ça signifie quoi? Et pas inaïe, parce que c'est vous qui le défendez. Dites-moi, congolité et pas il y a Félix. Pour la personne Félix, c'est quoi? Kozala mwana ya mboka, kozala congolais, kozala citoyen d'un pays, ne signifie pas le fait yako botama na mboka wana, yako lala kolamka na mboka wana, yako lia na mboka wana, et c'est fini. Mboka mabele na biso, notre mère, terre, et sali devoir nango. Et permettre yo obotamana espace wana. Et permettre yo obotamana tant oyo. Wana responsabilité yamabele nabiso. Alors, ce que ozali congolais, ozali congolaise, wapi responsabilité na yo. Wapi ba responsabilité na yo vis-à-vis ya mabele mère oyo et pesi opportunité obotama na espace oyo obotami na Benin te obotami na Congo Brazza te obotami na Rwanda te obotami na Tanzanie te mais obotami na espace oyo to bengi Congo na organisation oyo to bengi Congo. Bien que Otobengi pays est allé par construction sociale, mais construction sociale wana eye kokuta yo na espace wana. Oto construire biso batu to bengi Congo. Wapi responsabilité na yo vis-à-vis ya mboka. Mboka ede yo obotama. Ozala humain. Et puis si yo place au vanda. Et puis si yo ndako, c'est-à-dire le pays, je considère ça comme étant pays. Et logé yo. Et puis si yo refuge. Pour que lobi babenga yo apatride te. Pour que batu babenga yo ngembo te azanga place. Alors, comment est-ce que Bissot Batutokoïko remercier cette terre, cette patrie, Oyo et Pessibiso refuge, Tovanda et Sika Tozali? C'est de là où vient la question de la congolité de Félix Tshilombo. Oui, ba erreur et salamaki, ba faute et salamaki, ba crime et salami mingi. Na époque, il y a Kabila. Ba erreur wana, ba crime wana, ba faute wana. Et salemi na espace na biso Congo, na tan na biso oyotozali, et ezala ki responsabilité na biso to telemela. Ba crime wana, ba faute wana. To salaki yango, mais to salaki na puissance. Yako kokana bien yako leka, Kabila te na batu na ye. entre ba crime oyo tozali kolobela ba décret. Par exemple, il y a création, il y a commune rurale, il y a Minembwe. Tolobela ki yango. D'abord, kolongwa na 11 provinces, kokende na 26 provinces, ezala ki une stratégie. Ya batu oyo to bengi bandeko na biso ba africain oyo to bengi banyamulenge banyarwanda batuti banilotik parce que pona bango cette stratégie ya balkanisation et koki ko réussir ko kende rapide maté avec la formule ya 11 provinces mobutu oyo mobutu atikaki. Il fallait d'abord qu'on fragmente yango. Naba morceau ya mike mike pour que baction ezala très rapide. En tout cas, nous étions parmi les Congolais oyo bazali ko s'opposer ya ko fragmenter par fragmenter ma province na biso de 11 et kende la 26. Entre ba congolais oyo bazalai ko s'opposer na yango, je vois Étienne Tshisekedi, je vois Félix. Parmi ma groupe qui s'opposait à ça, je vois l'IDPS na ba groupe Moussousou. Aujourd'hui, nzamba koyi ko tuna biso bolela ki mingi. Nzambe pesa biso mwana mboka. Nzambe pesa biso Kongole. Na tete ya decision ya mboka na biso. Pour que Kongole wana rapidement. Aya kolongola ba crime. Excusez-moi. Aya kolongola ba crime. Ba faute. Ba erreur, excusez-moi, ba erreur, oyo banguna ba yeko tia, plan oyo ba yeko tia. Nzamba koto na bino na pesa ki bino nyon sobo sala ki nini. Nzamba koto na bino bo lela ki bo, na pesa bino mwana mboka. Na tikele bino shwa, bo luka mwana mboka. Na loba kite ke n'importe mwana mboka, azala isika wana. Mwana mboka o azali patriote. Mwana mboka o azali na courage. Mwana mboka o azali na détermination, abnégation. Mwana mboka o azali na bongo. Pour que asali sa bino na kolela na bino. To saisir l'opportunité ya nzambete. Pour que lelo na mutu ya mboka na biso ezala mwana ya mboka ya solo. Mwana ya mboka fabriquete. Na niveau politique, mwana ya mboka ya solo azali nani. Mwana ya mboka ya solo ayebi ke mboka na ngai ezali okipe. Mboka na ngai ezali domine. Il faut na telema na defendre mboka na ngai. Mwana mboka koyi ko telema te olali olamuki lobi otelemi obandi ko defendre mboka te. Pona kokende na guerre, ba preparaka guerre. pona ko défendre occupation ya mboka ba prepara ka défense wana parce que batu oyo ba occupé bino ba koy kokote la na fenêtre ba koy kokote la na porte ba koy kokota par ba clostra ba koy kokota na façon nyonso mais tango ba koti na kati ya mboka d'abord bazali kotonga ba stratégie koba ko se défendre po ba bimate. Alors bino bana mboka na tango bozali ko luka bo bo benga na banguna il faut bozala préparer koma ko kote la bango bo ke kote la bango ngulu ngulu te parce que bango ba construire déjà ba moyen nyoso ya ko se défendre po ba bimate. Alors bino boko luka kobimisa bango avec stratégie. Mwana mboka oyo to tché, ba tché li biso na loba. Na mutu ya mboka na biso, azali mwana mboka o azali préparé. Pona kobimisa bango na te. Azali mwana mboka o azali faible. Bongo na ye ezali na kapasite te ya kotonga strategie ya kobimisa banguna. Mwana mboka o azali na mutu ya mboka azali patriote te. Lokola na uti koloba kozala mwana mboka ezali kaka kobota mate kolia kolala kolamuka. Mwana mboka ifo azala patriote ya kodefendre mboka na ye. Devant ma tentative, ma camonion sa ma be ou égoye laye. Eh bien, voilà, moi, Namboka, tellement qu'il est trop faible. Moi, Namboka, tellement bongo exalité. Moi, Namboka, a tcheni bosso. Nzoto na ye. Abongisa nzoto na ye, le reste ezali problème na ye te. Alors, yande ko azo koma nou faisons trop d'analyse, alors que ba enemi na biso, ba zo zwa makamonyo so, mais ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Ya une résistance. Na monde des ana résistance au mokoté. Na monde des ali na peuple mokoté ba libéra mboka na bango sans analyse. C'est ce que je suis en train de développer mon ami. Ba libéra ka mboka te olali olamuki parce que cet argument que vous dites que alors que ba analyse le qui est belé mou payazo zo mboka. Alors, est-ce que il faut vous poser d'abord la question, est-ce que vous êtes préparé? Yako leka na action balamoko. Mais non, mon cher ami, vous-même qui posez cette question, dites-moi en quoi vous êtes préparé pour que o leka balamoko na action. Écrire c'est bien. Mais est-ce que ndeko yomoko ozali nano préparé? Comme ozali déjà préparé, vous n'avez pas besoin yaba analyse. Ozali esika wapi na moya lelo, oza wapi. Parce que déjà vous pouvez mener cette action, même individuelle ya yo. Okoyi ko mema déjà action wana, individuelle. Oza wapi ndeko. Alors, banalise na monde nyonso oyo ezala okipe, banalise ezalaka. Parce que jusqu'à présent, il faut qu'on yeba que notre peuple azali prepare te. Batu oyo ba kidnappe mboka. Ba sala tout pour que peuple na biso azala éveillé te. peuple na biso azali préparé pour la défense ya ba soi-disant leader. Menemwe ezali cédé na groupe ya ba batu oyo bazo réclamer être des Congolais. Pour remarquer que ndeko banalise ezali très important parce que batu ifu bala musabango. Mutu moko abimi na balabala te Kinshasa ezali kimia, Lubumbashi ezali kimia, Kikwit kimia, Mbujimayi kimia, Mbandaka kimia, Matadi kimia, Kisangani kimia, Bukavu kimia. Mais soki oyoki, mwasi ya di Tshisekedi di Mart, ba konvoke ye na inspecteur moko, ndeko na ngai okomona balabala Kinshasa ekoyinda, balabala ya Mbujimayi ekoyinda, balabala ya Lubumbashi ekoyinda. Notre peuple azali préparé te pour la défense ya mboka. Notre peuple ba préparé ye na défense ya batu, na défense ya ba famille. C'est ce que vous voyez avec l'histoire de la famille Tshisekedi. Famille Tshisekedi bakoki kofungola fosse septique na bango ya lopango na bango bafungoli yango ba odeur nyonso ebimi batu bakoya na bafufu ya bukula bakolia ezobima solo kitoko parce que solo wana ewuti na fosse septique ya famille Tshisekedi. C'est comme ça notre peuple est préparé. Alors peuple ya boye, il faut banaliser Zala, pour faire comprendre Bango que Bozali na Mbeba, Bozali na Bobunga. Parce que na idée na yo zolo ba ke banalize leki mingi. Cette phrase-là peut venir na bamboka oyo ezali déjà na maturité politique. Na éducation civique. Dès qu'il y a une histoire, ils allaient déclencher contre Mbokanaye, Moutouana Kozela, SMST. Moutouna Mouta Kote le m'a dit d'une façon sporadique. Alors que Congolais a koyi Kote le m'a dit d'une façon sporadique en ce qui concerne la protection de notre pays. Un groupe de Congolais ba telemaka sporadiquement, ce qui ba yoki leader na ye, moi na ya leader na ye, noko ya leader na ye, famille ya leader na ye, bazali na moi kokoso ba botoli bango kwanga. Congolais a telemaka d'une façon sporadique. Je disais que mutu oyo ba tieli biso na mutu ya mboka, azali franchement inconscient, azali incapable, immature, non préparé, handicapé. Na okende na discours na ye, parce qu'aujourd'hui nous sommes venus compléter notre live d'hier et Katanaki. Na okende na quelques phrases qu'il a prononcées, Azali na Bruxelles, semble-t-il, jusqu'à présent, après Bruxelles, à aucun de ceux qui, à aucun de Guinée, je pense. Félix Alobi a yébakité que pouvoir Azali Bongo. Azan a besoin y a ba mandat mi balete, il faut qu'elle na retraite. Na ebite retraite ou ana retraite ya musala nini ya sali. Retraite ya musala nini ya sali. En fait, ce n'est pas un problème ya retraite. Ce n'est pas un problème ka yeba kite ki pouvoir ezala kandeng wana. Que azana beza ou kene na deux mandati. C'est un problème tout d'abord, il y a deal na bango. Boyebi, Wilonia, Némi Wilonia, Azali, porte-parole, la tête qui réfléchit, ya Kabila, alobi ya mongam na lobi ya ngote. Ba yokana, akozongi sa pouvoir na 2023. Oyo Félix azoyebi sa bandeko na yeba milouvor, o asangisa ki na Bruxelles, ke azan a bezo ba manda mi balete, a yeba ki te pouvoir ezali bongo, ezali lukuta, échappatoire. Fuite en avant. Ezali selon ba deal na bango, Némi Wilonia alobaki yango. Ba yokana, ba kope sa pouvoir epa ya Félix, na 2018, Félix akozongi sa la bango pouvoir na 2023. Nga mouta lobi ya ngote bo finga nga ite, se yuko finga bo finga Némi. E Némi, se n'est pas n'importe qui. Tellement amesana ko roule batu na bango na farine. Batu na bango ba yoki Némi ndenga lobi. Némi l'a dit clairement. Ba yoki. Mais tellement, na mitu na bango, ba bongo, na cerveau na bango, y a toujours maï, y a soupe, y a mboa. Bango ba comprena na kambala moko te. Félix a épisé bango, a besoin, a na pouvoir, ba manda mi balete, ba landi Félix, mais Wiloni, Némi, l'a dit. Ye ou li a épisé bango, ke to yokane na kozom sa pouvoir na 2023, ya ebisi bango na yebaki te pouvoir ezali bongo na za na bezwa ba manda mibale te menteur. E ya mibale ezali incompétence. Bandeko place ba vandi. Oyo bazo supporter Félix ba yebi yango na conscience na bango ke Félix azali incompétent. Na nyonso. À part l'industrie de la fabrication yabana. Là, en tout cas, je pense que Aza incompétenté parce qu'on voit les résultats. Aza na bango 5. Compétence na ye ezali na kolia. Oui, nandimi. Namouyibi ya mbongo, stratégie wana za nango. Mais compétence ya mboka, ya ko changer mboka, ya ko diminuer souffrance ya batu. Wana vraiment aza nango to. Aye ko lâcher eloko msusu alobi. Batunye, vima kambunyo sondenge zo kene namboka, koma zo s'en prendre, koma zali ko s'organize, pona ba stres sona nyoso. Yoka repons ya prezidan na binon. Ezali pasi, wana ezali rezultat ya eloko Tshisekedi wa Mulumba tcha na kati na ye. Nini etienne Tshisekedi wa Mulumba tcha na kati na ye? Soki ezali trahison te na muyibi na lokuta. Nepotisme. President Bino alobi alalaka na tongo alamukaka ba après-midi. Babetelie maboko. Babetelie maboko. Mais biso tozali ba patron ya Félix. Tozali population. Azali wana pona biso, azali ko représenter ba Congolais. Un travailleur qui vous dit na contrat social, tozali ko fouta ye na ba taxe na biso. Azali ko représenter biso, azali mousali na biso. Un travailleur, vous voyez, mais na contrat social. La loi congolaise, c'est lobby, Moussala est bandit à 7h30. Et Sili, je pense, à 16h ou bien à 17h, sur une hernie. Voilà votre travailleur qui vous dit, lui dort le matin, il se réveille les après-midi. Oh my goodness. Voilà votre travailleur. Félix qui vous dit, lui dort le matin. Donc le matin, et bandit Ernie, et bandit 6 heures. Bon, 6 heures, disons. Parce que Bakébélé, Babadam, il s'en a Erwana, Babadongwa, déjà, ok, il s'en a Erwana. Yé, Alobi, Abanda, Akola, Natongo. Donc, on suppose Natongo vers 6 heures. Alors, qui après-midi, après-midi, Ernie, 18 heures, les années après-midi, au moment où nous, on l'attend travailler, toujours foutailler, par rapport à Yamoussala, parce qu'on dit, dans le contrat social, dans la fonction publique, les fonctionnaires doivent se reposer à partir de pourquoi, par exemple, 18h ou bien 17h, il doit dormir et se réveiller le matin pour se préparer à ce que Moussala. Et votre président vous dit, lui dort le matin, il se réveille les après-midi. Et vous allez voir comment est-ce que les gens sont drogués. Babetelier Maboko, parce que le président Alalaka, Natongo la mukaka après-midi. Alors, à quelle heure il travaille? À quelle heure Félix travaille? Bon, Azali Kuluna, parce que les Kuluna, en réalité, travaillent la nuit, hein. Les Kulunas travaillent la nuit. Alors, Moutou Yandengwana, boss, bino peuple congolais, bozali ba patron. Bino bat bozo fouta bango, na ba taxe na bino. Travailler à MC bino, er à la kana, er à la mukaka. Er wana ezali, er yo, pesiye moussala sala. Un vrai patron à Rosalani. Rolongolaye. C'est comme une sentinelle. Bino bolali bo engager sentinelle aya ko kengelanda kuna biloko na bino na bino moko. Vous vous réveillez le matin, sentinelle vous dit patron, lelo ko kumba voiture te na loti ke o sali accident. La sentinelle de la nuit est censée kola la te. Mais sentinelle, la tongo, bolamu ki bouye, parce que le matin, la sentinelle doit partir dormir maintenant. Ibango à la journée. Le col à Félix. La nuit, sentinelle a zo veillé. Mais sentinelle a émis au patron, les deux comme ma voiture était dans l'outil qui est au salé accident. Donc, sentinelle a la raye. Au salé, ni patron. Au colon, la yé. C'est pareil avec Félix. La journée, il doit surveiller qu'est-ce qui se passe. Il doit travailler, toujours foutailler pour Nayango. Mais il y a MC Bino la journée, à la ou à l'après-midi. Franchement, Moutou moi responsable à ta école primaire, à Kangakata porte, nani portail école, à Kangaka Fumulaka. Et ça, le la Félix? Et il nous dit, Toyoki, que maman a eu Marc Azali, une politicienne aguerrie. Nous avons wani un beau-frère, nous avons un beau-frère. Voilà, na YouTube, c'est ça qui est le cas, excusez-moi. Donc, na yoki ba lobby, ba ABC, que maman Marc Azali, une politicienne aguerrie. Franchement, place na vanda ki na kui ma karikari. Donc, moi, ça, tu sais que tu es la politicienne. À Sala Yango Nangola, et pas Nabango, avant Ayana Congo, ou bien à Sala politique Ango, et pas Iwapi. Yé Pandimi, maman m'a dit, Aza, vraiment politicienne a guéri. Et ce n'était pas la nuit, la journée. Et Ozobo Nabatu, Bandeko Nabiso, Oyoso, Bakoutani, entre Bango, lokuta moko bakabulaka entre bango soko vandi ozotala bango lobi me bato juste bazalaki créé par nzambe kaka ye moko asala biso ou bien bango ezalaki a part et même lokuta wana boyokaki bato ya félix na félix ye moko bazobisa ke mama na yo azali politicienne na guéri ye pa andimi mama aza politicienne oyo naza nango papa nanga moto apesi ngai aforme ngai c'est ce qui se passe na limete groupe wana batelemana ba parlementaire debout ya UDPS okoyoka ba américain baza na Brazzaville ile loto zo kene soki 3 mois 4 mois ba américain na Brazzaville ngo bazo 4 sate bakanga Kabila. Kabila était désarmé à 3 heures ile loto zo comprendre ba arme yango ba désarmé Kabila ba tie yango wapi Israël ba pesi ba avion de chasse ba char de combat. Les guerres n'y sont dans est aussi là. Est y a une occupation et outi ko salema. Non, navire moko de guerre américain ezana na Pacifique kuna, non, na Atlantique. Côté ya ba soyo. Tilelo na yebite soki navire mo carburant ici là et comme akate ya kostakate. Toyebite. Et bazana esengo moko na tango bazo kabula balokuta na bango vraiment au croire yango te. Ngai soki na vandi na groupe na zoka deja ba insanité wana, ba mensonge wana. Je me lève na longwe na kei pour na respect peut-être na bango, je provoque un agenda urgent, na bi non na zana programme moko urgent, il faut na kende. Mais bango ba vanda ka suisi tout ce qui bazali ko lia ke soupu ya mbwa ezali wana buku la bwanseka ezali wana mamwani okoyoka makamu moko et jusque na niveau ya présidence de la république un conseiller m'a dit Félix azalaki na esengo ambassadeur ya Japon a bengi ya lobby bakotinde la bango 200 kilos. 200 kilos. Il y a un masque contre le corona. Ambassadeur ya Japon, a ebisi Félix, yena mwasi na ye. Bako sombe la Félix, bako sombe la pays. 200 kilos ya ba masque. Eza gouvernement japonais te ambassadeur yemoko na mwasi na ye bako sombe la Félix kado po na pays 200 kilos ya ba masque Félix abini moto a China biro abini moto a China biro ayebisi bato na ye 2 tonnes ya ba masque l'ambassadeur a dit 200 kilos Félix dit na bato na ye 2 tonnes Il doit remercier Kabila. Na histoire ya mboka na biso même na histoire tribale. Il faut ba remercier Kabila que c'est du jamais na monde. Kabila a réussi ya ko placer mutu moko na tête ya mboka na biso. O akoyi ko za la même sentinelle école gardienne. Mais Kabila sali miracle. Pour ça, tu n'as pas à faire miracle. Franchement, nandimi. Oyo na yo kakaba pasteur msuba lobaka. Non, ça, tu n'as pas à faire miracle. Vraiment, nandimi yango. Na koza sou na doute na makambona te. Excusez-moi, ba pasteur, na bandaye ko doute mingi. Na maloba na bino wana. Satana penza a sali miracle na Congo. A placer mutu oyo ya koyi kozala. Pas même sentinelle, il y a école gardienne, président de la République. Imaginez-vous un président français, un président sud-africain, un président ghanéen, un président kenyan, un président américain, premier ministre canadien, qui dit, naba peuple nabango, moi je dors le matin, je me réveille les après-midi. Imaginez la suite. Le Congo, pays des miracles. Ça passe, c'est normal. Babeti Maboko. Il faut Kabila Azoua ba remerciement tribal. Franchement, Kabila, il faut la remercier. Bon, Bango Pé, Bapé, ça a merci. Hein? Bango Pé, ça a merci. Bissot, Oyo, Tozala, ba victime. Bande kona bango na ba pays moussous na salle ya ko pan ya pendaison ba pendre bango singa déjà prêt ba pendre bango to sauver bango mais jamais ba pesa merci moussous na aéroport ba kanga bango ba zongi sa bango côté ba outi na Angola to sauver bango ba bimisi bango jamais merci mais nous au moins on to zotangi sa bana na biso comment dire merci. Comment remercier? C'est très important. Si Boyoka Etienne Tshisekedi de Sengi merci pas Mbutu. Parce que ce qui Mbutu était Etienne Tshisekedi de Azali, nothing. Et l'autre côté. C'est Mbutu qui a fait que Etienne Tshisekedi a comme Bongo. Mokolonini ti a yé koukoufa. Boyoka Etienne Tshisekedi de Sengi a ta petit merci et pas ya Mbutu. Oyo kutu tozo mona boye, Kabila zui pouvoir a pesi bango. Tozo mona na moye makasi Kabila zui pouvoir a pesi bango. Kabila zui babilete de vote nyon so football. A zui pouvoir a pesi bango. Bosi boyo kame me pa Kabila ye moko ba pesa merci. Ah, kom tozo lo makamba merci ango. Ma dernière fille. A Kokisi Lelo 6 ans. Ma cadette. A Kokisi 6 ans Lelo. Étonnant. À côté de la chambre naïe. Azui bik ba couleur nyon so à côté de la chambre naïe. Aye kobima. Na lettre. Ya remerciement. Lettre à remerciement, merci papa pour m'avoir mis au monde. Merci maman pour m'avoir mis au monde. Vous voyez, il est coréen, il était à combien en coréen? À 6 ans déjà, elle écrit très bien. À 6 ans, elle écrit très bien. À 6 ans. Mais, qu'est-ce qu'on retient? Moi, j'ai déjà un niveau il y a 6 ans. Azoye ba question qui nazali na monde oyo grâce à papa, grâce à maman. Merci. Je ne sais pas si au Kasaï les mots merci ezalakabi ezalakate. Natiluba merci ezalakabi ezalakate. Dites-moi. Natiluba merci ezalakabi ezalakate. Nana yebi merci Natiluba, on dit quoi? Les mots merci échappent à la culture Luba ou bien Ezali ou bien Ezalité parce que na yokate. Moi j'ai grandi na bango na yokate. Mouluba moko luba merci na yokate. Toi ça qui dit, toi ça qui dit, toi ça qui dit là. Ah, il y a solo. Ah mais bah utilise ça en mode pour la nini. Merci pour la veille à anniversaire à moi en Abisso. Merci beaucoup. Et non, on ne demande pas de photos. On ne publie pas des photos des enfants. On publie la photo à Banaté. On a fait ces erreurs qu'à la main. On a compris comment est-ce que les photos des enfants sont utilisées naba net. Tu publieras sous ma photo à Banaté. Moi, je suis à Kokisi déjà 20 ans, 19 ans. Oui, on peut publier leurs photos, mais on ne publie pas leurs photos. Nous commettons des erreurs. au publier ma photo à bas, nabi. Eh, t'as la moana, oh, y'a comme un Canadien. Eh, moana, oh, y'a comme un Canadien universel, naïe. Eh, t'as la moana, français. Moana, oh, British. Bonjour, Ebate. Il y a des gens qui récupèrent ces photos, y'a bas. Ben, il y a des gens qui sont là, mingi. Mingi, ba Congolais. Mingi. Surtout, ba maman. Surtout, ba maman, oh, ba botana, ba. Ba mendele, mwana ya métis. Mwana ya métis. Eza la benemi na ye o batikala na kabeya ka mwanga. Bako ye baki ya bota métis. Oh my goodness. Voilà, c'était juste une parenthèse hein, pour tout le monde, moi, ba stress. Donc, vous avez compris que Monsieur Félix a révélé des histoires na batunaye na Bruxelles ndenga lobi ki akozala na ba akoleka mandat mi baleta ke na retraite ba ke na retraite so sali musala ya bien malamu ou meli osali musala malamu ye musala ni na sali oyo azo se vanter il faut ke na retraite retraite ya nini qu'est-ce qu'il a fait et ayebi ke ba congolais ba ko limbisa yete ayebi yango voilà pourquoi il s'en fout. Azali koyiba mbongo azo talate parce que ayebi ke azali un gars, un citoyen à usage unique. Azali un citoyen à usage unique, mutu mokote ako utilize ye lisusu. Mutu mokote ako yiko kozala na honneur ya koloba ancien président ya Congo. Na likambo nini? Ba ancien président tozo mona bango bazo kina ba conférence, ba université bazo benga bango. Il y a des présidents moussousou, ba université bazouzou, ba encore ba lecteurs spéciaux. Dites-moi, Félix, ce qui l'est au Kabila Longolié. Félix sera utile à quoi? Nanin. Alors, pour na kende ko sili sali kambo ya minembwe, ce que nous recommandons na bande ko na biso, ezali des actions. Donc, action moko men na deux directions. La première action, la première direction, ezali la pression populaire. Pour te faire comprendre na bande konabiso ya minembwe, que tu abandonné bangote tozali na bango. La pression populaire, parce que au fait, une action collective, c'est de la politique. Ce que nous faisons, oyo batubazo, qui ne comprennent rien, qui vous disent, ah non, bah, politicien, il y a réseaux sociaux, bah, professeur, il y a réseaux sociaux, les lobes courent, nous sommes comme il est commis dans les réseaux sociaux. Les lobes courent, nous sommes commis dans les réseaux sociaux, tous les temps, ça, na ligne. Tous les utiliser, bah, Facebook, bah, YouTube, bah, Zoom, pour na kotangi ça. To faire voir la bande konabiso a minembo et que bazali bango mokote to abandonner bango te. Mais tozali ko se sentir coupable que na population o tozali na Congo, un groupe de gens ya mikie bako ki koya ko dominer biso te, ko impose biso volonté na bango. Nous avons échoué, mais c'est pas trop tard. Ya ko réparer yango. La deuxième direction de l'action est allée na niveau ya institution. Ndeko nyonso yebi ke ndeko na yo azali na présidence, ndeko na yo azali na parlement, ndeko na yo azali na gouvernement, azali na gouvernora, faites pression. Faites pression. Parce que il y a encore possibilité que ba décret oyo ya kamwa minembwe balongola yango. Tant ezali, possibilité wana ezali. Mais c'est corrompu ya bato bazali na institution na biso soki bazui pression te. Pona bango c'est normal. Pona bango c'est normal. Pourquoi commencer par commune Yaminembwe, ba commune Moussouté. Et pourtant, ezali commune ou ezali a problème. Il faut d'abord résoudre le problème par la suite constituer commune. Ezali na ba entité Moussouté ou ezali a problème te. Bazali koze la ba bidje, bazali koze la ba kene ko installe ba commune yango. Le gouvernement Félix Bazo Kendete, bango ba poni minembo o ezali entité a problème. Le conflit ezali, il y a un problème. Oui, c'est vrai, certes, il y en a. Et pourquoi ba choisir kaka yango? Ba milouvo oyo baluba ki qui se sont opposés à Londres. Natango Félix a ebishi bango banyamolenge bazali bandeko na biso ba Congolais ba woloda ki bozali wapi sikoyo. A ebishi bino bazali ba Congolais bondimi yango te bololi ye, mais voilà aleki na action sikoyo po Alex Sabino a pesi bango commune. Tomoni banzembo Tomoni banzembo ba jeune ya minembo ya banyamu banya Rwanda basali et ba Congolais bozali expert na banzembo wapi réplique nango. Je pense que zayi na préparatif ya un mouton sur Facebook qui demande Ozolo bela makambo ya décret nani ya signaki yango. Je l'ai répondu hier, mon ami. Na répondu ki lobi que décret wana papi tomono. Papi tomono, il semblerait que école ezali gratuite. Est-ce qu'on peut profiter te pour qu'une école? Qu'on signe décret ezali une chose. Qu'on tchango en pratique ezali autre chose. Circonstances, environnement, où yoba décret wane ezali ki signé. Bino papito mono. Na biso. Tozala ki contre régime wana ya Kabila. Bapaya. Tobanda yi koyemba. Tshisekedi alobi boye langa ye na zongi sa ye na Rwanda. Ye mutazala ki président ya régime wana na tango basinya ki décret wana. Fungula mato yo kanga bien papito mono. Lelo oyo mutu azali président ezali mutu oyo balobaki toko zwaye toko zongisa ye na Rwanda. Asinya ki ba décret lelo mibeko loi. Et pesi Félix Ndingisa po alongola ba décret wana. Olandi ngai? Lelo oyo natango ba décret wana ba signaki yango. Ngai na yo na Félix tozalaki contre ba décret wana. Lelo oyo nzamba sali si que Félix azala na esika ke ba décret wana nyoso ba signaki contre mboka na biso. Alongola yango. Azali kolongola yango te pona nini? Décret selon la loi. Ezali au-dessus ya président. Olandi? Donc, Félix azali incapable, azali handicapé. Il ne peut rien faire. Dengana bandeye koloba ke la deuxième direction de l'action, ezali na institution pour faire pression pour que décret wana elongwa. On n'a pas besoin ya bantité wana. Tous on a besoin na ngoti. Moi je pense que le pays était encore bien unifié à l'époque il y a formé il y a 11 provinces avec Mobutu. Ba problème ezala ki bien résolu. Oui, c'est là qui résolit, qui est résoudre yango, qui est qu'on démembre, bantité pour permettre naba immigrant o bazali koya pona ko revendiquer mabele na biso. Alors, oyo banyamulenge ya ndenge nini? Banyarwanda ya ndenge nini oyo bazali ba Congolais? Mais balobaka ba langue ya ba localité mususu te oyo ezali pembeni na bango. Ngai na botami na bandundu. Je suis soukou. Na lobaka minoko nyonso environnant ya ba ya collectivité na ngai. Je parle Kimbala. Je parle Kikweso. Je parle Kingongo. Je parle Kitsamba. Na lobaka yango. Parce que na mboka na ngai, nous on parle le soukou. Mais na bamboka nyonso oyo parce que na biso au moins na bantité wana baza na langue na bango, baza na dialecte na bango. Baza na dialecte na bango. Alors, lokola bokangama ba voisin. Moi je suis soukou. Quand je parle à Kinzenzengo, je parle Kimbala. Quand je parle à Pai Kongila, je parle Kimbala. Na lobaka kiyaka. Parce que kiyaka et le soukou en réalité, c'est une même langue. Différence mouké, il y a tonalité, mouké, tonalité kaka. Moi, je parle Kitantu. On est voisin avec Bakongo, Batantu. Quand un Mutantu parle, moi je parle Soukou, un Mutantu parle Kitantu, Toyo Kanaka. On n'a pas besoin d'interprète. Mais Oyo Banyamulenge Yandenge Nini, Kibembe Balobakate. Mais Balobi, Minembwe na kati kuna Minembwe, ba bembe bazali. Mais bango balo baka munoko wana te. Balobi ba ya de cela 2 siècles. Bamboula 200, bazali wana. Ti lelo bamboula 200. Ki bembe bolo bakate. Mais ce sont des gens qui viennent de traverser ma frontière. Oyo balo baka keza ki na Rwanda. Exception. Ya moi batumuke o ba umeli. Moi, je travaille, j'enseigne l'immigration. Nazali contre été batu ba paya mususu nos frères africains ou bien nos frères du monde. Baya na Congo, bazwa nationalité congolaise. Nazakutu pour yango. La diversité des identités, na kati ya diversité ya mboka na biso. On n'a pas de problème avec ça. Mais il faut qu'on y ait qu'on ait la nationalité, il faut qu'on soit nationalité, il y a Batou. Qu'on respecte la loi, il y a Batou. Et ça, c'est la façon dont on a des économistes, dont on a des Africains, dont on a. Est-ce que Ngaï, je suis de Bindungi, est-ce que Nakoï qu'on nie Congolité ya batu ya Kinzenzengo bambala Kinzenzengo. Banda mboka na biso ezali mboka na biso baza wana toza na bango bango bakoki konie ngai te ke yombi aza Congolais te toyebani banda toya baza na basheferi na bango toza na basheferi na biso. Mais soki omoni batu bolobi boza wana depuis mbula 200. Mais bato bazo reconnaître binote ke boza awa banda mbula 200. Bato bavanda wana babotama wana. Balobi bino boza awa mbula 200 te tozo mona bino ndenge bozali koya. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'université pour comprendre ça. Bosa na besoin que l'université te pour comprendre yango. Na monde ya politique internationale, ba puissance ba lukaka toujours des raisons d'influence politique internationale. C'est pour cela que nous avons le corps américain, ambassade na bango, mbango ba keyi na Minembwe. Parce que pour na bango, ce type d'histoire est allé malam pour la politique internationale na bango. Parce qu'en cas de problème avec les Congo, ils peuvent déclencher un conflit à partir de ces problèmes internes. Bah, qu'on peut utiliser ces problèmes internes pour aider qu'il va déclencher un conflit, va mettre, va résoudre des conflits, au fait, ils allaient pour résoudre des conflits, ils allaient pour profiter, na biloko si réellement, Rwanda, vous êtes des Congolais, vous avez besoin de ma belle, de ma propriété, vous avez besoin de gouverner, de mon côté. Allez au Kasaï, pour vivre. Allez dans le Bas-Congo, pour vivre. D'ailleurs, cette histoire, Babandi Nanou, au privé bino identité, une carte d'identité, va privé bino yango. Pour Bachabino, na impossibilité, na difficulté de savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Nanaza Congolais, nanazati. Les lots même chinois qui ont été congolais. Ce que vous avez non, vous avez chinois congolais, vous avez des Congo. Loi à Congo, vous avez des Congo, vous congolais. Même chinois qui ont été Chine, il peut venir atterrir aujourd'hui, les lots à quitter l'aéroport à Kinshasa. A vu camion à créer dans les bandoulou. A partir à Kuna, à réclamer carte d'électeur, dans les congolais. Ou à Kobo, vous avez Congo. Parce qu'avec son 20 dollars, a quoi que somba attestation de naissance a quoi le babot na Kinshasa qui a les moyens parce que l'administration congolaise n'est pas informatisée nan a quoi vérifier que banda bandundu chinois ou akei a vérifié sur le fichier électronique ce qui n'est qu'au chinois ou a botami réellement Kinshasa tout se fait mécaniquement. Alors, chinois qui ont un certificat de naissance dans Kinshasa, à qui ils ont un d'ailleurs, ils ont un sala. À qui ils ont un bandoulou, à qui ils ont un kasaï, à qui ils ont réclamé carte d'électeur. Si ils ont une attestation de naissance, ils ont vérifié avec quel moyen. Et il deviendra Congolais. Et lobby lobby a commis président. Voyez-vous les niveaux d'abord. Comment Makamounion, c'est là qui planifié. To privé bango ba carte d'identité pour que des ordres de kota moutounion sakoya a réclamé nationalité. To infiltré administration na bango. To placé batou na bango na administration pour que to contrôle Makamounion. Na exécutif, to tia batou na bisou pour que lelo. Bango bako planifié makam par exemple ya kopesa ba territoire na banya Rwanda to infiltré armée na bango ba généraux la plupart batu na bango et bozomona ke tozali encerclé partout na makambo nyonso tozali encerclé mais la solution na biloko nyonso ezali nini ezali une responsabilité ya moto nyonso. Capacité nyon soza nango de faire quelque chose, il faut le faire. Parce que na niveau haute ozali une action collective que batouba tellement. Et zali difficile parce que ba politicien na biso moko corrompu ba pesa biso culture yako se soulever kaka ce qui leader a na problème. Balaki sa biso tendenga ko telema ce qui pays est dans problème. Na situation ya bamboka boye soulèvement populaire ezali difficile. Na ba situation ya boye ezali baction spontanée. Batu oyo bazali na capacité rapide de comprendre, na capacité de faire une action, faites-le. Lelo oyo so to lali to la muki to yoka Rubero Azate. To la mukaboyo no ba moni li colonel moko na Pascal. Na tango bazo luka qu'est-ce qui s'est passé avec Rubero? Ba yoka kuna bizima kara Azate. Ba moni zolo na yena kingabwa. To la muka to yoka Félix kuna libumba toboli mu pepe nyo se bimi. Mes chers frères et sœurs, na koyebi sabino ke bako kima. Po soki balobi Félix batobole libumu. kabila ko vanda na kinga kati te po ayebi ke akoyi ko lekisa er te iner na kinga kati eza ebele po ba wewa ndinge ba ko yela na bakabeya ka mwanga air force ba matisse ba avion nyonso ba wewa na se kabeya ka mwanga air force likolo eske kabila ko vanda wana. Parce que avec Félix, ce n'est pas un problème parce que yemoko aloba yango. Aloba akokufa pona kimia na mboka na biso. Alors, bolongo la molimo na yete, libu mokaka wana soki bo lokola ballon. Pouf! Kabila yoka. Keno na Kinshasa kuna na ntele, babimisi Félix mopepe na libu mo. Bandeko Félix, Kabila kofanda wana. Kabila yebi très bien ko benga d'abord moi sina ya congolais ako sundula ye moi sina ya congolais ako sundula ye olive ko tikala pour Kabila yebi ke azana minute a perdre te kaka mo pepe ndenge zo toboka ya libumu ya Félix Kabila zo zo avion azo kima po yebi ke ba wewe wa bakoya na ndenge moko boka ni sakaka nzoto Kabila ba kosala munde. C'est ça la solution. Action collective. Peuple la mission basa préparé na makambo wana te. Basa préparé te. Alors maintenant la question qu'on se pose. Nani ozana na courage abimisa Félix mon pepe na libum. Et l'équipe est belle mon pepe. Nane wazana na courage wana. Yende tozo luka. Encourager. Kaa ndega kena kolia na ba mariage wana. Oh, nyo sobozo mwana peme na Félix. Eza mangungwa pa. Bwemi kaba ndego la miso ndeye bazala. Ba grimace. Batpalia kama tamba mingi bazala makasi te. To yebani. To yebani. Batpalia kama tamba mingi bazala makasi peza te. Oh, ils sont autour de Félix, ils sont pas préparés. Ils ont la bagarre de corps. Ils ont la bagarre de corps. Et ça, c'est juste un groupe tribal. Ils ont faire semblant au King. Mais ils ont dit que ils ont dit Kabila kokima. Natan Kabila kokima. Toko mema Félix. Na mama ye. Oh, mama ye mon pe karma pa. Karma pa. Karma pa. Félicitations. Voilà un autre problème que biso ba Congolais tozali soudete. La réalité que ce musicien a chanté. Ezali vérifiable. C'est ça. L'image ya mama ye mo. C'est ça. Mais voilà, acteur, il y a état de droit, il y a démocratie, il y a peuple d'abord, à Pékin, Sinzembo, Wana et Mbappé. Mais wapi soutien na biso ba Congolais pour les musiciens Karmapa. Parce que na yebi, Kosala Nzembo, na za musicien, te mende na yo kaka, Kosala Nzembo, ezali facilité. Ko tourne ba clip et tout, ezali facilité, on dépense l'argent. De musiciens comme Karmapa, de musiciens comme, il s'appelle comme Goupal, Goupal, c'est Goupal ou Goupal. Ce sont des gens, vous voyez très bien que Batouya Demona Félix a supporté Bangote. Batouya Demona Félix a empêché Bangoba d'évoluer. Les abrutis, Badoukara toujours, Koboma ba étoile. Parce que Moutou ou Azali étoile, Ndenga Zali ko salaboye, il peut me remplacer facilement parce que Batou Bako Mona étoile naye, mayele naye. Alors Batou Lokola Félix, Batou Bomaka, Batou Lokola Bakarmapa, Batou Lokola Jean Groupal, ba elimina Kabango. Mais maintenant, Bissonde Bakongole to la ki sa solidarité na Bissona Batou ou Lokola Bakoupal, Batou Lokola Bakarmapa. Oui, Ndeko. album na yo ba pekisi yango, nzembo na yo ba pekisi yango, peut-être apate ya nzembo na yo, lingayi ko somba mwa kuanga po na fami, okozwa yango li susute, biso to se mobilize, to pesi yo kuanga wana, oyo album na yo, nzembo na yo, lingayi ko pesa yo. S'encourage bande kona biso, pona ko revele biso makamususu, oye sa, ya poko de Kongole yo ba evolue na diaspora, ba yebi iso mama ye mwendenge zala ate. Baebi image ya mama yemo ya kala ndenge zala kala ya sikoti. Mais à partir de cette chanson, tout le monde maintenant a l'image ya mama yemo ndenge zali. Ce qui est vrai. Maintenant, Congolais wana osala ngote. Congolais wana osala ngote. C'est regrettable. Voilà, donc mes chers amis, et Zalaki wana complément ya live na biso ya lobby. Et comme na lobaki yango na ebandeli, to s'excuser pour na kokata live na faso wana, c'était une réaction de colère, un sentiment de colère, komo na musapi na ngai moko. Ba pesa yango na batu oyo, bazali na droit na ngote sikoyo. E, to yebi très bien ke batu wana, proje na bango ezali kaka minembo ete. Lelo bande ko bozali ko sepe la, ke Félix apesi minembo e. Na groupe ya ba Bizi Makara, ba Bugera, Baruberwa, c'est bien. Et Mukolo Minembwe, frontière à Minembwe, Okomati na Kasai. Mukolo wana tokotuna na, je l'ai dit hier. Lelo ozo sepela Félix apesi Minembwe na Baruberwa. Pour Félix, ba bembe, bazana valeur mokoti. Priorité na bandeko na biso bana Rwanda, c'est bien. Mais mukolo bana Rwanda wana ba okoma na Kasai, ba ko réclamer mabele ya Kasai. Il faut to pesa bango yango. Parce que soto pesa bango minembwe, pourquoi pas Kasai? Baza ba Congolais, baza na besoin nango. Bango ba lingara mingi ko élever banyama. Alors, bango mbeso ba botami mingi. Barubero bakoza na benzwe ya savane ya Kasai. Toko pesa bango yango. Donc, lobi ezala ki sentiment de colère. Ezali ko pesa biso encore force. Vous voyez, ba guerrier ce qui azo bunda, azo beta masasi, azo lela. Kolela wana ezali faiblesse te. Ezali cri de guerre ya kanda d'un guerrier. Alors, na bandeko oyo bakoye ko comprendre yango te, avant que ba comprendre to senga ki b'excuse ko kata live na biso lobby na ndenge wana. Mais je pense que vous avez compris. Na ju ba message ebele inbox, je vi un frère o avandi na mboka Canada, azala ki na ba larme comme biso, sa femme a filmé, mwana na yepe. Il y a, je pense, elle a 17 ans, elle a une larme. Et pourtant, la famille Wana, Baza, Batuya Musika et Équateur. Minembwe, ezali parti en Zoto ya Congolais Nyonso. Ezali parti en Zoto ya Congolais Nyonso. Moussapiswe Zoki, l'école, vous avez un plaisir de Sengote. Liboko Swe Zoki, Moutoué, vous avez un Sengote. Oyo bozomo na bazali ne sengolelo. Bandeko na biso ba bembe na bandeko mususu na minembwe ba privé bango mabele na banga ba koko na bango. Bazali ne sengo parce que ndeko na bango avana na pouvoir. Ça vous prouve à suffisance que bandeko oyo bazali ba kongolete. Bandeko oyo bazali ba kongolete. Mais toko tuna na question ana mukolo Félix azokende. Toko tala bino boko zonga wapi. Toko tala bino boko zonga na résistance, be boko zonga wapi. Toko heureusement que vous avez beaucoup d'argent. Mais boyebi pe na bishika bovani na diaspora ndenge mendele ba fonctionnaka. Boko ya na mbongo, bozo ya na mbongo, bazozwa. Botuna empereur Bokassa. Botuna empereur Bokassa. Il est rentré dans Mboka na ye pas même 100 euros na poche. Pas même 100 euros na poche. Lelo ba compte ya Mobutu ezali wapi? Ba compte ya Mobutu ezali wapi? Ba compte ya Félix na na profité. Ba compte ya Félix na Kenya. Na Kenya. Conseiller na ye ou a outa koukoufa na Kenya. Azala ki chargé a koufongla ba konti ya Félix na Kenya. Ba Kenya ba lini kozilete Félix a koufa. Ba bomi conseiller. Parce que ye mouta ye ba ki ba sekre nyon sa ba konti ya Félix na Kenya. A ye go tika mbongo ko kitsa kiti mbongo ba fongoli ba konti. Il faut zonga kinchasa ke nekope sa konti randi na Félix. Ape sa ye ba mot de passe nyon so. Ba bomi ye. Conseiller a koufi. Sikoyo. Félix a l'obino ayaki na mbongo na Kenya po na ngacha tomona ki yangote. Tomona ki yangote. Bozo ba mbongo na diaspora. Mais boko zonga boko za na sonyo ke na izinte, okene ko mema bidoko likola mutu. Okene ko kanga ba carton te, boko za na soni, j'étais conseiller. Encore bino na ke vantar, moi j'étais. Boko za te j'étais, je suis conseiller présidentiel. Bambongo na boyana bozoya na mona diaspora mendele ba ko silisa yango ti na suka e wala sikoto ko tala ndeke bo bana ko pousa na malembe na résistance. Oh non m'en fait donc c'était donc pindie ou on va voir votre pindie ou à ce moment là voilà donc merci mingi bandeko merci pour na Olanda biso merci pour na okabola merci pour na soutien franchement ezali ko lakisabiso ke tozali ensemble et je demanderai na bandeko oyo bazali tikana benga entre guillemets ba leader ya diaspora ba leader ya diaspora c'est-à-dire que bato o bazali na mwamo ba o bazali na ba chaîne YouTube bato oyo ki peut faire quelque chose oyo bako yiko faire passer un message quand même ya molimo wana ya mabe ya orgueil ezali mingi. Bandeko ebele, ozoloba bien, ozoloba makambo ya bien, mais olinko yamba même téléphone ya bandeko msou bazo benga yote. Moi, je prends des téléphones na zwaka. Soki na linko sale eloko wana te na wayebiso na kosala yango te. Mais je prends les téléphones. Soki na zwite, je suis occupé. Je parle avec tout le monde. Mais je constate que bandeko ebele bazali ko réclamer na diaspora bandeko mingi bozolo ba makambu ya malamu tozali pe na possibilité to loba na bino to pesa mwa ba conseil mais bandeko ebele bazali ko yambate. Okomona kaka prof okoko pesa nga koyebisa ndeko boyete azwa appel na nga na ina solo na ye. Mais non, prenez bozo a téléphone quand même. Téléphone te mais bon, disons téléphone dans les réseaux sociaux. Parce que moi, je n'encourage pas qu'on puisse téléphoner dans les réseaux sociaux. Mais dans les réseaux sociaux, téléphone, Messenger, par exemple, prenez. Prenez, solo na bandeko. Bandeko, pe bazan a besoin, ba se défouler. Tozo maîtrise ma kamounion sauté. Moi, par exemple, je ne maîtrise rien. Mais, na ba conseil à bandeko, na biso, ba koyiko pesa moi ba conseil. Voilà, il y a boye, qui m'a il ne faut pas que l'on boye. Il y a un frère qui habite le Canada, qui est Minembwe Kuna, qui m'a appelé. C'est bien, mais prof, que l'on soit idioté. Wana ezali moi, m'a bé. Même s'il n'explique qui m'a, il a résisté, insisté que l'on soit idioté. Et bonjour, que l'on soit idioté. Ça fait, je pense, 4 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos. to lave Félix aza sous idioté a commis ce que kaka mutu aza mutu. Vous comprenez? Donc entre biso to solaka moi ma bepe na bande kona biso msusu ba congolais balingi ko bongisa misala bande ko msuti. Je vous ai dit cette histoire et Rosali Sabatou. Vraiment, ce lundi, yango, na musala na yo kofa. Congolais a yebi très bien que l'okazo senga yo musala na yo eko yiko beba. Mais Congolais a zo insisté, il faut Rosali Sangai. Mais Rosali Sawana ezana beba. Ozali d'abord dans l'illégalité et l'okazo salawana ezali illégal. Mais Ozali ko benga nga yiko insisté na sali sayo et l'okane salema. Oyebi bien. Que ceux qui moins d'erreur, musala nanga et baby na kugipe okota prison, mais olingi kaka yo oza la satisfait, obengi sin dekona yo na fraud, na nguru, bakangiye na drogue, olingi prof a aidé yo, il faut aider prof pour le mutema mabeboye, ozo sali sabato msusu menga ite, mais na zo sali sa dekona yo oyo bakangi na drogue. Olingi na zala mutu o azo défendre batu ya drogue ben dingeni. Moi je ne défends pas des drogués. Alors, o comment on appelle de quoi siliki? Asiliki, ozo aider batu mususu prof o zam tema be, o na yoka iki o zala mutema bien o sai saka batu vraiment nandimi yango te. Ndeko. Na sali sa yo po ndeko no yo oyo bakangi na drogue abima na prison. Oh non, oh ya vini yekuna balinga ba bomaye kuna balinga ba pandre yo salisaki bowo yanga kaka drogue ya pamba kaka drogue ya pamba. Voilà le raisonnement ya ba Congolais. Kaka drogue ya pamba. Alors voilà pourquoi ba appelle par exemple que non nazana problème boye nazana problème boye et dengai j'avais dit momentanément to stopper yango. To stopper yango je le ferai pas. Pour le moment. Parce que, bah, bi ezali ebele, bah, tout bazoye bate ke ozala musala, il faut qu'on protège yango, nazali na dignité, na honneur, nanga, il faut qu'on protège yango. Alors, voilà. Mais, na makambo itali, makambo mboka, tokoye ko benga na to sololi, y a pas de problème. Voilà. Merci pour na lelo, week-end ya malamu, bo mela mingite, bah, fête pa mapamba libanda, corona ezongi isu adenga makasi. Bon, c'est contrôlé quand même. Bah, tapage comme la mela pas en pamba, ça ne va pas. On dirait bo bo bo bozalaki comme la tête tant que bozalaki mais bozo herboyé comi. Hein? Bière 1 dollar de konanga Jean-Claude Musunda. 1 euro bière moko. Ya ngola basomba gado akoliko somba ta 100. Hein? Fête na fête kopu yaya. Luzingu le monde. Mabe. Le temps raisonné pour na mboka zate siko ergo sutuka na ko langwa wana bien prof balobi kuna nini mboka baba minembwe ba teki minembwe mon frère er bazo teka minembwe ko lobela pe minembwe yozo mela ozo langwa so ikwite sili prof boni kuna minembwe non on est sentinelle biso nous toza ba sentinelle la Congo voilà merci courage na ba résistant nyoso courage na bande ko na biso na Congo courage pona bino to ebike souffrance za makasi bo tenir toujours bon bo landa escroquerie à famille Tshisekedi et voilà ba remarquer na bande ko so ba remarquer que le kuta wana e bandi ko bima siko yo que y a rien mutuma ko zela rien de Félix rien alors donc merci pona nebo. Je disais, bon week-end à tout le monde. Boutou malamo, et puis l'obi boke ba prière malam nandak, corona, bovan nabandak, bo prier pour nabiso. On en a besoin. Tous a vraiment a besoin de la prière nabino. Et okoute bino rien, na kata prière, olobia, nzambe vraiment sunga, milouvora kanga prof yombite. Pour prof yombi, ma kofi ya bibotou nazan angote. Na yebite, nabunda te. Peut-être quand j'étais enfant. Alors, vous savez que vraiment, je vais vous remercier. Merci, elle, mon copain, Corona, et salissez-moi, parce que tous les gens qui ont été en train de se faire, Ah, bikoti nyonso. Oh, kaka ezomona na awa kaka, ezalika misu po emona. Ah, oh, yeba teke wona, wana eza kuizine. Corona esali sima mke, sinote, mbele longi oyo, ba deborse la mwona ndegema wa sakanate na bamilumo. Voilà. Merci et au revoir. Bokabula ba video, abonnez-vous, bokabula yango. Et Tokutani Mbalasima, je vous aime beaucoup. Merci. Ah, Ndeko Pierre Divila, si vous êtes près de Kitubu, donc vous êtes mon frère de sang. Ah oui, je suis petit-fils de Yombi. Merci. Julia qui zodi ça. Oui, Corona est sungi. Et sungi pour si noté. Mawa. Ba milvor nege ba ko botengai. Bye.